êtes à Sifu pour l'écouter. 89.1. Cette semaine, au Mathieu Plante Show. Dans Théologie, Théologie, les centres d'entraînement bannissent les chaînes de nouvelles de leur télé. Dans Merci Science, les spermatozoïdes sont plus en forme pendant les mois d'hiver. Dans CNX, un homme se tue accidentellement en jouant un jeu en réalité virtuelle. Et Félix Simon fera un retour sur le plus récent Nintendo Direct dans d'un autre gamer à un autre. Le Mathieu Plante Show commence tout de suite. Celui qui se fait toujours tirer accidentellement parce qu'il est vraiment mauvais dans les jeux de tir, Mathieu Plante. Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 15 janvier 2018, c'est notre retour en direct en 2018. C'est assez, là, les 3-4 douzaines de rediffusions des émissions avec Fred dedans puis Sam dedans. Ah, pas sur le même que d'habitude, toi. Ouais. Ouais. Allô, hey, salut! Ça partira jamais, ces erreurs-là, par contre. Ben, tu sais, j'aurais même pris le 3, mais il y en a pas. C'est fait pour ça. C'est fait pour me mailer. Salut, Fred. Salut, Mathieu. Est-ce que t'as écouté tes nombreuses rediffusions? Ben, même pas. Même pas. Bon, tu vois, même toi, t'es tanné. Ben, même moi, je suis tanné de m'entendre. Donc, aujourd'hui, dans l'émission, comme je le disais, les habituelles chroniques télévisuelles, Television, la section sciences, technologies, médecine, merci-sciences et le segment Geek Célix. Dans quelques minutes, ce sera la chronique sur les jeux vidéo d'un autre gamer à un autre avec le retour de Frédéric Simon parmi nous. De quoi est-ce qu'on va parler tout à l'heure? Oh, excuse-moi. Ouais, c'est moi qui t'influence. C'est ta faute, Mathieu. On va faire un bref retour sur le dernier Awesome Games Done Quick qui a eu lieu la semaine dernière. Et un autre retour, cette fois, sur le Nintendo Direct Mini qui a eu lieu le 11 janvier. Mini, ça veut juste dire genre comme 16-17 minutes, genre? Ouais, c'est long comme un normal. Je sais pas, c'est... Ben, ouais. Ça varie, hein. Ça varie. Ben, ils aiment ça se trouver des petits noms cute. Oui. C'est le fun, ça. C'est Nintendo, on les aime comme ça. Ils aiment ça, Mini. Ouais. Eh, ça dépend comment tu t'en sers, hein. C'est ça. Des nouvelles que j'ai quand même bien hâte d'entendre. Il y en a une que je connais là-dedans, en tout cas, que j'ai porté attention. Un remake d'un jeu sur la Wii U. Je pense qu'on est rendu là à refaire tous les jeux de la Wii U sur la Switch. Ouais, ben, je vais en parler tard. Ouais, c'est ça, on en parlera tout à l'heure ensemble. Donc, d'un autre gamer à un autre s'en vient. On a débuté l'émission. Est-ce que tu as versé une larme pendant la chanson qu'on a entendue en début d'émission? Non. Non, mais ça m'a piqué de curiosité de savoir qu'est-ce que c'était. Ben, exactement. C'est donc l'humoriste Mike Drucker sur Twitter qui a demandé aux gens leur musique de jeux vidéo préférée et ça a amené un souvenir chez quelqu'un sur le site TheOutline.com. Il se disait que la chanson thème de Robocop sur le Game Boy le remplissait d'émotion. Il trouve ça triste et merveilleux. Sad and beautiful. Donc, une chanson qui a quand même une bonne historique sur Internet. Entre autres, il y avait une parodie dans Dilbert qui avait un cover de la pièce de Robocop. Les gens l'aiment beaucoup, c'est ce qu'on a entendu. Maintenant, on va continuer avec de la musique un petit peu plus orchestrale. C'est une capture en direct de la trame sonore de Splatoon 2, donc par un orchestre. On écoute ça, deux petites pièces, puis après ça, d'un autre gamer à un autre. Come on. quelques pièces de la trame sonore de Splatoon 2 qu'on vient d'entendre. Oui, c'est bien orchestral avec des voix enregistrées par-dessus. Tout ça fait comme ça, là, en orchestre, là, dans une salle. Ça, aller voir ça. Ça prend des chanteurs étranges chanter comme ça. Ouais, peut-être un effet dans le micro, mais je ne peux pas garantir. Nous, on n'a pas d'effet dans nos micros. Là, on a des voix comme ça. C'est comme ça. Alors, au moins, on n'a pas d'écho comme avec Sam dans le studio d'enregistrement. Et là, on se comprend, puis on n'a pas d'écho. En effet. On est juste deux. Voilà, en plus. Bref, c'est d'un autre gamer à un autre. Bonjour à toi. Bonjour à toi, Mathieu. Ah oui, il est de retour, comme toujours. À chaque fois, on dit qu'il est de retour, mais c'est comme ça. Et il y a de longues pauses des fois entre deux chroniques. Que voulez-vous? Donc aujourd'hui, on parle, en fait, on revient sur Awesome Games Done Quick. Oui. Et Nintendo Direct Mini. Exactement. Bon, dans quel ordre est-ce qu'on fait ça? On va commencer par le Awesome Games Done Quick. Ah, bonne idée. Qui avait lieu, en fait, du 7... Commence mal, là, t'as pas les bonnes infos. Hey, je l'avais devant moi, j'ai perdu. Oui, c'est ça, du 7 au 14. Okay, j'étais correct. Hmm. Janvier dernier, donc l'événement avait lieu à Washington, D.C. Donc, un marathon d'une semaine durant laquelle les gens faisaient du speedrun et ramassaient des fonds pour la fondation Prevent Cancer. Ah, c'est bien. Donc, au total, plus de 2 263 000 $ ont été amassés. Wow! Petite polémique entourant le AGDQ. C'est le fait que c'est pas 100% des dons qui sont remis à la fondation. On parle de 80 à 90% quand même. Il faut que ça se paye la salle, les équipements. Ça reste que c'est quand même une semaine dans un hôtel qui est rempli ça. Il faut quand même déverser, verser un petit montant. Je peux comprendre. Ouais. Il y en a qui trouvent ça plate, mais bon. Ben ouais, mais qui le paye aux autres pour dire rien? Ben sinon, ils donneront à la fondation dont on va supporter au LAN ATS qui s'en vient au mois de février. Ah ben voilà. Sur No Reset Marathon. Ça, c'est une autre histoire. On aura le temps d'en parler, c'est ça? Exactement. C'est un peu une surprise parce que c'est un nouveau record, ce 2 263 000-là. Mm-hmm. Parce que une des têtes d'affiche qui était AGDQ depuis des années, c'est finir avec Super Metroid. Ouais. Et il y a ce qu'on appelle un incentive. Donc on ramasse de l'argent pour soit sauver les animaux ou tuer les animaux à la fin. Faut savoir que un speedrun, on va aller le plus vite possible et c'est plus rapide de tuer les animaux. Mais il y en a qui ont bonne conscience et veulent les sauver. Et c'est l'incentive qui ramasse le plus d'argent chaque année. Et là, Super Metroid ne figurait pas dans la liste des jeux. Comment ça? C'est un jeu qui est très risqué en speedrun. Beaucoup de runs ne se terminent pas. Et c'est arrivé la dernière édition, alors qu'il y avait 4 personnes et seulement une personne a pu terminer le jeu. Ça finit mal le spectacle, disons. Ça finit mal le spectacle, malheureusement. Comment tu peux ne pas le finir, ce run-là? Qu'est-ce qui arrive? Souvent, les joueurs vont prendre des risques, ne feront pas de sauvegarde nécessairement et peuvent mourir à la fin. Ils devraient recommencer. Oh, wow! Ouais, non, pas donc, le fun. Non, c'est ça. OK. C'est des ça choses s'explique. Qui arrivent. Ouais. Mais finalement, tant mieux si on a réussi à battre le record quand même. C'est ça. Tout en ayant une liste de jeux diversifiée, comme à chaque année. Comme? Alors, ça passe vraiment partout. Autant des bons jeux que de très mauvais jeux. D'ailleurs, il y a un Awful Block, dans lequel il y avait aussi un incentive. Si on ramassait 75 000 $ dans un temps imparti, il y a quelqu'un qui allait faire Superman 64. Non, pas... Reconnu comme le pire jeu vidéo au Nintendo. C'est le fun à regarder sur YouTube, fait que j'imagine que ça va être le fun à regarder. Ça a été une très belle run, justement, parce que, bon, on aime rire de ce jeu vraiment atroce. Mais dans les bons côtés, on a eu droit à d'excellentes runs, comme avec Super Dram World 2, qui est un rom hack de Super Mario World. Okay. Extrêmement difficile à la Kaizo Mario chez. Sur Mario 64, ouais. Ben, il y a sur Mario 64, mais aussi sur Mario Bros. 3, version de Kaizo. Qui est extrêmement difficile. Ça implique des sauts sur des coquilles à répétition et Je connaissais seulement celui de Mario 64 parce que Samuel Girard en parle souvent. Je savais pas qu'il y avait d'autres. Oui, en effet. Sinon, dans les autres bonnes runs de la semaine, il y a eu la course de Resident Evil 3 Nemesis, qui a été, malgré beaucoup de d'éléments RNG, donc random. Ah. Dans le fond, des choses qui peuvent se produire, il y a un tout un casier, tu reçois soit le Magnum, soit le lance-grenade. Ok. Ben là, les deux joueurs ont reçu le Magnum. C'est difficile de faire un speedrun si tu sais pas ce qui s'en vient, c'est ça? Exactement. Puis, ben, les corridors, les zombies seront pas placés aux différents. Aux mêmes endroits. Mm-hmm. Mais pourtant, à plusieurs endroits, ils étaient synchronisés dans la course, c'était vraiment excitant. Sinon, Bloodborne, un jeu beaucoup plus récent sur PS4, par exemple, où le c'était. Oui, les habiletés du joueur étaient impressionnantes, mais sa façon de commenter. Ah! Commenter ça, en jouant la même personne? Oui, la personne faisait ses propres commentaires. On était tous d'avoir deux personnes, il me semble qu'il y en a un qui joue l'autre. Oui, il y a le traditionnel sofa en arrière du joueur où il y a des personnes qui vont faire les commentaires, mais cette fois-ci, c'était la personne même qui jouait et c'était vraiment impressionnant. Ça demande la concentration comme c'est comme oui, je n'ai pas. Il savait nous tenir en haleine parce qu'il. Simplement par le fait qu'il y ait trois échelles de suite à un moment donné dans le jeu, ça fait lever la salle tellement c'était drôle la façon dont il commentait. Sinon, dans les affaires spéciales qu'il y a eu, une personne qui a fait Mike Tyson Punch-Out et Super Punch-Out en même temps sur la même manette. Super Punch-Out, c'est celui au Super Nintendo. Okay. Donc, wow. Il a joué les deux, il a fini les deux jeux en même temps avec une manette. Mais pas celui sur la Wii. Pas celui sur la Wii. Tant qu'à faire. Ben, hein? Prochaine fois. À deux, c'est quand même assez complexe. Il doit profiter du fait que pendant les countdowns, ben, il joue plus sur l'autre. Mais c'est sur la même manette. Donc, des fois, il abuse du pause pour faire une pause sur un jeu pour finir un adversaire. Puis pendant qu'il active le prochain combat en pesant sur pause, ben, il reprend l'autre jeu. Donc, c'est vraiment spectaculaire. Donc, c'est pas mal ça pour le Awesome Games Done Quick. On va passer tout de suite au Nintendo Direct. Oui, le plus récent Nintendo Direct qui avait lieu dans les derniers jours. Le 11 janvier pour être exact. Une petite quinzaine de minutes qui se regarde quand même bien. J'ai quand même skippé d'un bout à l'autre pour trouver les choses que je savais qui allaient avoir lieu. Mais je veux entendre parler des autres que je n'ai même pas regardé finalement. Mais écoute, t'as sûrement eu le principal et c'est peut-être un peu décevant. Pas beaucoup d'annonces majeures. Il y en a eu peut-être deux ou trois qui sont vraiment intéressantes. Sinon, ben c'est la mode du port et du remake qui revient. Donc, ça, il me semble que ça aurait été plus simple de juste rendre ça rétro-compatible. Ben, les jeux de la Wii U, il me semble, à la place de faire des ports comme ça, ça sert à pas grand-chose parce que c'est pas tant plus beau. En effet, il y a des petits ajouts mineurs. Mais tu sais, on va commencer justement en parlant d'un port de Wii U à Switch. Donkey Kong Tropical Freeze qui va passer du côté de la Switch. Alors faites donc en premier. Je comprends qu'ils l'ont fait au Nintendo 3DS, mais on s'entend que ça c'est calibre Nintendo 64 là. On parle d'un port pour l'améliorer, pas pour le rendre portable et pas super beau là. En effet. Il a dû faire comme je pensais qu'il allait faire, j'étais certain qu'il allait faire un 2 dans un. Tu sais, le premier jeu fini, le deuxième commence. Hein. Ça a été bien. Parce que là, ça va pas le premier après le deuxième, ça marche pas, ça. Sinon, ben, tu t'appelles comme Star Wars, ça fait des polémiques pour ceux qui l'ont pas vu. Tu sais, dans quel ordre tu joues, là, ouais. Mais sinon, ajout mineur, on parle de Funky Kong, qui va être un nouveau personnage. Ah, mais c'est le personnage qui va te permettre de, genre, bypasser les tableaux en sautant ta planche de surf par-dessus les affaires que t'aimes pas. Mais non, les pics. C'est tout ce qu'il prévoit d'ajouter, sinon le fait que, bon, ben, tu vas pouvoir jouer à deux avec chacun un Joy-Con. Mm-hmm. Je pense à ça, Cranky, c'est pas mal la même affaire que. Funky, c'est quasiment la même affaire que Cranky, son pouvoir de sauter sur sa planche. Ah oui. Ou une canne, c'est pareil. Bref. En tout cas. Mais ils vont m'avoir là-dessus pareil, mais je suis pas content. Sinon, autre port de Wii U à Switch, ça va être cette fois du côté Hero Warriors. Ok. Donc, on a eu Fire Emblem Warriors, mais cette fois, c'est avec Hero Warriors, donc avec l'univers de Zelda. Mm-hmm. Ça va être le même jeu que sur la Wii U avec toutes les DLC, donc c'est une édition définitive. Ouais, ils disent tout le temps ça, hein, que c'est définitif, puis après ils en font une autre. Mais bon. Mm-hmm. Ouais. Ils l'ont su l'affaire. Ils l'ont l'affaire. Si on regarde du côté encore une fois du remake, mais cette fois-ci c'est peut-être une surprise parce que c'est un jeu qui était pas sur Nintendo avant qui cette fois va se retrouver, c'est-à-dire Dark Souls. Mmh. Et c'est un remaster, donc beaucoup d'améliorations visuelles. entre autres, et beaucoup de gens sont excités de pouvoir jouer à Dark Souls, ce jeu extrêmement difficile sur Nintendo. T'es un fan? J'ai beaucoup regardé, j'ai jamais joué. Ah, ok. Ça va être l'occasion alors. Ça sera l'occasion. Donc, qui va faire son apparition sur Switch et on parle de cet été environ. Ouais. Pour ce qui est des autres, on parlait de la mode des ports, des remakes, mais aussi la mode des DLC payants. Évidemment! Ben, pas du cash. Nintendo fait pas exception. Cette fois-ci, du côté de Pokémon Tournament, donc les combats de Pokémon. De Pizza Pokémon. Combat de Pizza Pokémon serait parfait, ça. Les combats de Pokémon style Tekken et Street Fighter. Donc cette fois-ci, ben, ils appellent pas ça des DLC, ils appellent ça des Battle Packs. Ah, ben oui, parce que ça. Parce que c'est très différent. Ça a l'air moins cher. Déjà un premier qui va être disponible le 31 janvier, l'autre le 23 janvier, donc chaque Battle Pack contiendra différents Pokémon. On parle de Aegislash, Mega Rayquaza, Mimikyu pour le premier pack. Pour le deuxième, Blastoise, Celebi et Mew qui devraient arriver. Cool! En plus d'items nouveaux et bon. Et autres affaires que vous utiliserez pas vraiment mais que vous allez avoir payé pour pareil. C'est ça. Autre DLC, cette fois du côté d'un jeu que tu apprécies beaucoup. Super Mario Odyssey. Oh oui, oui, j'ai vu. Ben, ça aussi, c'est décevant. Je dois dire que c'est pas mon genre de truc d'aller chasser des ballons. En effet, donc Mario Odyssey Balloon World. Cette fois, ça, on parle pas d'un DLC payant, c'est un free update. J'espère, ben, mais on a payé pour aller chasser des ballons. Donc, en février, avec Luigi qui arrive sur ses ballons et. T'sais, sortez pas, évidemment. Permettez-nous pas de jouer avec Luigi. Non, évidemment. Non, non. Évidemment. Luigi est là, planté là, comme par rapport, comme un personnage de soutien. Va te cacher un ballon. Là, faut que tu connaisses assez les tableaux pour pouvoir aller chercher le ballon. Ce serait vraiment incroyable si on intégrait les autres personnages, genre Peach, Luigi, qui ont leur propre habilité, comme Peach qui peut voler sur sa robe, quelque chose. C'est un jour. Ça donnerait une nouvelle dimension au jeu, ça c'est sûr et certain. Ouais, ouais. On part en campagne, on va faire ça. C'est ça. Non, tu sais, la seule affaire que t'as de le fun, c'est les costumes dans le jeu, puis même là. Ouais. Voilà, c'est la seule affaire de le fun, pas du tout, là, mais que tu peux ajouter au jeu, là. Non, mais le jeu est très complet en soi. Oui, il est très complet. Ils ont rajouté quelques costumes dans le truc DLC aussi, non? Je crois que oui. Costumes de pas grand-chose de plus. Ouais, ben c'est ça. On joue pas pour les costumes, mettons, on joue pour les tableaux, hein? Oui. Ah, ça va te permettre au moins d'explorer les tableaux de fond en comble, si vous l'avez pas déjà fait, hein? Ben, c'est le gameplay qui est intéressant, surtout dans Super Mario Odyssey, donc continuez à jouer. Extraordinaire, oui, continuez. Ou commencez, sinon. Ou commencez, en effet. As-tu avancé un peu? J'ai fait une lune de plus. Wow! Le temps des fêtes a été productif. J'ai recommencé à jouer à Fire Emblem. Donc, bon, c'est bon, ça explique tout. Ça explique tout. Encore une autre expansion, cette fois du côté de Mario & Rabbids Kingdom Battle. Mm-hmm. C'est Donkey Kong qui va faire son apparition. Ouais! Dans un DLC payant, cette fois-ci. Mm-hmm. Ce printemps, donc, on parle de sa disponibilité. Ok, pas pire, c'est quand même une bonne idée. Quand même. Ouais. Parmi les deux autres grandes nouvelles, plus de détails sur le jeu de Kirby qui va faire son apparition ce printemps. Donc le 16 mars, on parle de la date de lancement. Kirby Star Allies qui va arriver. Le jeu a l'air intéressant. Ressemble quand même beaucoup au jeu sur 64 à Crystal Shards. Okay. Ça va être à découvrir. Mm-hmm. J'ai hâte d'avoir plus de détails encore, plus d'images de gameplay. Ouais. Autre nouvelle aussi qui m'a fait très plaisir. La version Switch, cette fois, d'un Mario Tennis. Mario Tennis Aces. Aces. Encore un autre jeu de sport, comme s'il en manquait. Mais les jeux de tennis sont populaires, donc pourquoi pas? Oui, ils sont populaires. Ils sont très bien faits pour la plupart. On parle sur Nintendo 64, il y avait Mario Tennis. Je pense Power Shot sur GameCube. Possible. En tout cas, me semble c'est ça. Mario Tennis GameCube. Ouais. Hein? Mais il était vraiment très bon aussi. En fait, la plupart des jeux de sport de Mario sont excellents, donc j'ai hâte de voir ce nouveau Mario ce jeu de Mario-là sur Switch. Et on parle qu'il va avoir un mode aventure aussi avec ça. Ah, intéressant. Donc, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir s'ils vont sortir un spin-off des sports dans Mario Odyssey. Tu sais, les gens jouer à la corde à lancer puis au volleyball. Ah oui. Mais... Les gens frustrent tellement sur le volleyball, c'est incroyable. Mais il y avait le volleyball dans Mario Party aussi qui était vraiment drôle, le volleyball de plage. Mais là, tu joues contre une genre de bébite. Mm-hmm. Ça approche la fin du Nintendo Direct déjà. On parle d'un autre port, cette fois d'un jeu DS qui va sortir sur Switch, donc The World Ends With You, un RPG qui était sur Nintendo DS, donc qui va faire son apparition sur Switch en 2018. beaucoup de démos. Un autre port, tiens, pour faire différent. Wise 8, Ease 8, YS8. J'ai jamais su comment le prononcer, c'est ça, Wise? C'est Ease, en fait, qu'on devrait dire. Okay. Easy Gun, pas Easy Busy. C'est, c'est le ça. Jeu. Easy PC Beautiful Cover Girl. C'est ça. ouais, qui va faire son apparition cet été sur Switch, ce RPG assez grandiose. Sinon, des jeux, on parle de Payday qui va faire aussi son apparition sur Switch. Mm-hmm. Et ça continue comme ça. Donc, pas grand-chose de nouveau. Pas grand-chose de nouveau, beaucoup de remakes et de ports. Mais on sent que la Switch s'en vient quand même. Oui, non. Pas intéressant. Ça va très bien. Il n'y a pas une soirée d'annonce ce soir dans la nuit ou quelque chose comme ça, là, dans les prochaines heures? Ben écoute, je sais pas. Ouais, tu ouais, ouais. Quelque chose. Je pense que j'ai lu ça tantôt. Il me semble que c'est dans le coin de. Il me semble que c'est cette nuit proche. Mais je dis peut-être n'importe quoi, on va aller voir. Hein? Non, mais on va se tenir au courant. Ben, c'est ça. Hein? Mais apparemment, c'est pas une Nintendo Direct, c'est autre chose. Autre chose. Mais autre de Nintendo. Tant mieux. Voilà. Moi, ce que j'attends, c'est une annonce peut-être pour Metroid Prime 4 éventuellement. Mm-hmm. On attend toujours des nouvelles d'un Pokémon RPG aussi sur Switch, parce qu'il n'y en aura pas sur 3DS. J'ai hâte de voir ce qu'il y a. Il y en a qui parlent peut-être quelque chose de nouveau côté matériel, peut-être. Je sais peut-être. Pas le truc de service en ligne, c'est encore loin. On n'a toujours pas de nouvelles sur le service en ligne. J'ai vraiment hâte de voir ce qui s'en vient pour, du côté de Nintendo. Ouais. Compagnie à surveiller, hein, ces petits Nintendo-là. Eh oui. Ils ont un futur, ils ont un potentiel, c'est incroyable. Merci, Frédéric Simon. Merci à toi, Mathieu. Alors, on se retrouve dans deux semaines. Oui. Pour une autre chronique d'un autre gamer à un autre. On t'écoute aussi à Matière Noire les mardis soirs à partir de 21h. Exactement. Oui. C'est ça. Merci, Fred. Salut, Mathieu. On s'en va entendre en musique maintenant l'album Chiptune Funk 8-Bit Above par Johan Turpin. Et on commence avec la pièce Someone I Love de ton Mathieu Plante Show sur C'est Fou. Thank you. F1. L'album 8 Bibov par Johan Turpin. C'est du chiptune funk ou du funk chiptune. On a entendu la pièce Someone I Love au début. Ça, c'est The Small Castle au Mathieu Plante Show. C'est bon, hein? C'est sorti il y a environ un an, en décembre 2016. Voilà. Toujours au Mathieu Plante Show. Et maintenant, c'est le moment de parler de télévision dans ce qu'on appelle Television Television. TV Television, Television, la chronique où on parle de nouvelles télévisuelles depuis le dernier mois. Enfin, on n'a pas fait d'émission du Mathieu Planchot en direct depuis la fin du mois de décembre. Mais quand même, on a du frais qui vient de sortir aujourd'hui en date de mercredi 17 janvier. C'est très people, mais il faut en parler quand même parce qu'on a parlé de ce dossier-là par le passé, que Stéphane Rousseau va être le nouvel animateur de l'émission de fin de soirée sur V. Le remplaçant donc d'Éric Salvaille au talk show de fin de soirée a été confirmé. Stéphane Rousseau qui va prendre l'antenne à compter du 5 mars prochain. On ne connaît pas encore le nom de ce talk show-là. Par communiqué, Stéphane Rousseau a indiqué avoir hâte, après une année sabbatique, de retrouver le public à la barre de son talk show, qu'il voit comme un défi colossal. Selon lui, l'émission proposera des conversations avec des invités connus que le public aime, qui gagnent à être connus, que vous ne reverrez plus jamais, ainsi que des sketchs humoristiques, de la musique, des chansons inédites et des collaborateurs. L'émission va être enregistrée devant public, donc pas en direct. On sait qu'en mode Salvaille était hybride entre en direct certains jours et en enregistré devant public le reste de la semaine. Là, ça va être enregistré devant public. Il va y avoir possibilité de montage, ça pourrait être un petit peu plus grandiose par moment. Ça va être dans la même case horaire, donc du lundi au jeudi à 22h. Vic a connu beaucoup de succès avec En mode Salvaille pendant quelques temps, hein, quand même. Donc tant mieux pour lui, moi je trouve ça vraiment plate et je trouve ça vraiment TVA 2, comme toujours, TVA Diète, comme je les appelle, VTL, donc ça me surprend pas du tout comme choix du facile. Un petit peu plus classe du côté des États-Unis. Je sais que je vends souvent les services des États-Unis pour les émissions de télé du genre, mais j'ai trouvé la décision très très bonne. Pour remplacer Matt Lauer, on a choisi Hoda Kotb, l'animatrice des shows pour les l'heure qui est avec Kathy Lee Gifford. Elle qui est une vedette dans l'équipe, adorée de tous, et c'est elle qui va remplacer Matt Lauer, qui a aussi été congédié après inconduite sexuelle, allégation du moins. Donc, NBC News a confirmé, oui, la nouvelle au début de l'année. Hoda Kotb va faire les deux premières heures à temps plein pour le Today Show aux côtés de Savannah Guthrie dans la foulée du congédiement de Matt Lauer. Donc, il va continuer à animer la quatrième heure du Today Show en compagnie de Kathy Lee Gifford. Donc, il va faire trois heures, ce qui est quand même bien. Là, les gens parlent de son salaire qui est beaucoup plus petit que celui de Matt Lauer, mais Matt Lauer a animé cette émission-là pendant genre 20-25 ans. Je suis d'accord avec l'égalité, là, mais en même temps, c'était quand même vraiment un plus grand nom que Hoda Kotb, quand même. Mais bref, Today a remporté la course au code d'écoute pour la quatrième semaine consécutive, dépassant Good Morning America de la chaîne ABC après avoir passé la majeure partie des dernières années en seconde place. La nomination de Hoda Kotb va à l'encontre de la tendance des émissions matinales de la télévision américaine à avoir un homme et une femme à l'animation. C'est aussi la formule que je préfère, un gars et une fille, je trouve que ça complète bien. Mais bon, deux femmes, c'est parfait aussi. Il fallait trouver quelqu'un, et c'est quelqu'un qu'on aime, pourquoi ne pas la choisir, hein? Bref, ça c'est chez NBC, alors que du côté de CBS, ils sont allés un petit peu plus classiques pour remplacer Charlie Rose, qui aussi a été renvoyé pour allégation de conduite sexuelle, et c'est un homme blanc, monsieur comme tout le monde à la télé américaine, ou presque. Donc, c'est John Dickerson qui va co-présenter avec deux femmes, donc on varie la formule un petit peu quand même. Ben, en fait, c'est la même qu'avec Charlie Rose, mais deux femmes, un homme. Âgé de 49 ans, John Dickerson est un journaliste de politique qui anime depuis juin 2015 l'émission politique du dimanche matin sur CBS Face the Nation. Il a co-animé deux débats de la dernière campagne présidentielle et interviewé Donald Trump en avril. Donc il co-anime maintenant avec Norah O'Donnell et Gayle King l'émission CBS This Morning. Voilà, elle qui animait avec Charlie Rose. Bref, hein? C'est comme ça, changement dans les émissions du matin. On revient au Québec un petit peu avec Silex et des ressemblances étranges avec une BD française. La nouvelle série jeunesse Silex de Radio-Canada a-t-elle été inspirée par la populaire BD Silex and the City? Le diffuseur jure que non, mais la maison d'édition d'Argo, l'auteur et la maison de production derrière la série animée du même nom, se disent interpellés par l'utilisation du nom et du concept de l'œuvre et exigent des explications, nous raconte la presse. Donc en décembre dernier, la presse a annoncé la sortie d'une nouvelle quotidienne destinée aux enfants de 9 à 12 ans qui serait diffusée sur Ici Radio-Canada Télé l'automne prochain. Lorsque l'auteur de la BD Silex and the City, Jule, a pris connaissance du titre et de l'argument principal de la série produite par Pixcom, oui, il a eu une réaction d'incrédulité. Je cite, « Le monde contemporain, vu par le prisme de la préhistoire, est exactement la même prémisse que la série qu'il a imaginée il y a une dizaine d'années. » Il dit que taper Silex dans Google pour tomber sur la série maintenant, donc c'est un truc assez élémentaire de se renseigner du côté de Radio-Canada. La BD publiée chez Dargo depuis 2009 est vendue à 500 000 exemplaires et est une saga familiale, celle de la famille Dotcom, qui se passe à l'ère préhistorique. Le tome 8 justement, sortira l'automne prochain. À la série Télé Silex, elle met en vedette Florence Lompré, Geneviève Schmidt et Jonathan Caron. Le tournage devait débuter dans les derniers jours et ça se passe aussi à l'ère préhistorique. Elle met en scène deux clans, les pierres et les rocs, qui doivent cohabiter sur une même montagne. Ça fait aussi pierre à feu, donc on a pris un petit peu partout. En entrevue à la presse en décembre dernier, Radio-Canada décrivait Silex comme une parodie de la société moderne. L'idée vraiment de rire et de présenter des situations d'adolescents qui se demandent s'ils sont normaux ou pas. Dans la série comme dans la BD, les personnages utilisent des tablettes en pierre. Même chose, on n'en sait pas plus sur le contenu de la série produite par Pixcom et écrite par David Leblanc, Marie-Louise Chouinard et Anne-Hélène Prévost, mais aucune demande d'acquisition de droits n'a été faite à l'éditeur français. Pourtant, le diffuseur public a avoué que l'équipe connaissait l'œuvre de Jules. Je cite, le producteur a fait faire un contrôle de titre au moment de la production, après plusieurs mois de développement, et c'est seulement à ce moment qu'on a su que la BD existait. Nous n'avons pas les droits puisque l'émission n'a vraiment aucun lien avec la BD. La BD qui s'adresse aux adultes. Avec des référents 16 ans et plus, dont des référents sexuels, ce qui n'est pas la même chose que Silex, qui est pour les 6 à 8 ans, disent-ils. Bref, vous pouvez aller voir le reste des détails sur comment ça pourrait se passer tout ça par rapport à cette adaptation télé illégale, peut-être. on dit que... c'est à peu près ça, finalement. Ensuite... Allons-y au Canada maintenant avec la plateforme BNN qui va changer de nom pour BNN Bloomberg au Canada. Un changement de marque prévu pour le printemps 2018. Bell Media et Bloomberg Media se sont associés pour transformer Business News Network qui à l'époque s'appelait Report on Business Television, ROB TV. Maintenant c'est BNN et ça va devenir BNN Bloomberg, comprenant du contenu de Bloomberg. BNN Bloomberg qui offrira aux auditoires et aux annonceurs une gamme de produits dans les domaines du numérique, de la télé et de la radio, ciblant les décideurs d'affaires canadiens. L'accord permettra à BNN Bloomberg d'ajouter plusieurs heures de couverture télévisée en direct des marchés asiatiques en soirée, de programmes matinaux en provenance d'Europe et des contributions de journalistes de Bloomberg aux États-Unis, au Canada et dans le monde entier tout au long de la journée. On rappelle, et je suis content que l'article le fasse, parce que des fois, quand on écrit des articles comme ça dans les médias, on revient pas trop sur le passé et la controverse. Il y avait une chaîne Bloomberg Canada qui a fermé sa chaîne de télévision canadienne à l'automne dernier. Ça a été remplacé par la version mondiale de Bloomberg. Et maintenant, j'imagine que cette station-là va s'en aller pour laisser place à BNN Bloomberg. Le site web de BNN va changer pour bnnbloomberg.ca et comprendra la couverture des nouvelles internationales de Bloomberg. Leur contenu radio sera distribué au Canada par l'intermédiaire des plateformes BNN Bloomberg et des stations de radio de Bell Media. Les entreprises ont également déclaré qu'elles allieraient leur contenu télévisuel et radiophonique à un nouveau canal pour la plateforme iHeartRadio de Bell Media. La principale marque de nouvelles d'affaires multiplateforme au Canada comptera sur les 2700 journalistes et analystes d'affaires de Bloomberg dans 120 pays. Et les nouvelles d'affaires et financières, données de marché, analyse vidéo et programmation télévisée. BNN Bloomberg tirera également parti des 5 bureaux d'information canadiens de Bloomberg à Toronto, Ottawa, Calgary, Montréal et Vancouver. Toujours au Canada, le CRTC souhaite comprendre pourquoi les Canadiens consomment du contenu comme ils le font. On peut participer en répondant à un sondage avant le 31 janvier prochain. Dans le cadre de la consultation sur l'avenir de la distribution de la programmation au Canada, le CRTC, nos amis du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, a lancé un sondage afin de mieux comprendre pourquoi les Canadiens consomment du contenu de différentes façons. Le sondage tentera de répondre aux questions suivantes. Pourquoi plusieurs Canadiens regardent-ils encore la télé traditionnelle et écoutent-ils la radio traditionnelle? Pourquoi certains Canadiens regardent-ils et écoutent-ils en ligne seulement? Jusqu'à quel point les programmes créés au Canada sont-ils importants pour les Canadiens? Les Canadiens qui peuvent participer en répondant au sondage, comme je disais, avant le 31 janvier. Cette consultation est tenue pour donner suite à la demande du gouvernement voulant que le CRTC présente un rapport sur les modèles de distribution de l'avenir pour la programmation canadienne, ainsi que sur la création, la production et la distribution continue de cette programmation. Et le rapport doit être présenté au plus tard le 1er juin 2018. Un article d'actumedia.com. On reste au Canada et Stingray qui fait l'acquisition du Netflix des concerts et des documentaires musicaux. Stingray qui ajoute 2000 concerts et documentaires musicaux à son catalogue et plus de 70 000 mélomanes au nombre de ses abonnés au service de vidéo sur demande. Stingray qui a donc fait l'acquisition des actifs de la société new-yorkaise Kello Concerts, plus important fournisseur de concerts et de documentaires musicaux sur demande par abonnement, décrite par le magazine Forbes comme le Netflix des concerts et des documentaires musicaux. Kello Concerts, qui compte plus de 70 000 abonnés dans plus de 160 pays, est actuellement accessible par Amazon Channels, Apple TV, Roku, Google TV et Samsung Smart TV sur les appareils mobiles ou encore en ligne à kelloconcerts.com. Kello, Q-U, pardon, pas de U, Q-E-L-L-O. concerts.com, Q-E-L-L-O, concerts.com. L'acquisition permet à Stingray d'ajouter à son catalogue, comme je disais, plus de 2000 concerts et documentaires musicaux provenant des plus importantes maisons de disques. Stingray qui offrira à ses abonnés un accès à la diffusion en direct d'événements et par des tiers. Cette acquisition lui assure aussi des revenus provenant de la télévision à la carte et de l'abonnement récurrent à la vidéo sur demande. On va aux États-Unis où la série dérivée de John Wick, The Continental, arrivera sur Starz. C'est donc officiel, c'est la chaîne Starz qui va proposer la série The Continental dérivée des films John Wick. Alors que la sortie du film John Wick 3 est pour le moment calée à mai 2019, il est aujourd'hui à nouveau question de l'adaptation de la licence en série télévisée qu'on avait évoquée l'an dernier. Par la voix de son patron Chris Albrecht, la chaîne américaine Starz, à qui on doit entre autres Black Sails, Spartacus et Ash vs Evil Dead, a officiellement annoncé qu'elle se chargerait de ça avec Lionsgate et que la série dérivée s'appellerait The Continental. Comme son nom l'indique, c'est l'adaptation sur le petit écran se déroulant dans l'univers de John Wick s'intéressera au fonctionnement de l'hôtel Continental, le refuge et fournisseur des assassins dans les films. L'intrigue se déroulera dans une version réaliste de Los Angeles, tandis que l'action et l'humour de la franchise devraient être de retour. Le fauteuil de showrunner et de scénariste sera laissé à Chris Collins, qu'on connaît pour The Wire et Sons of Anarchy, et la production sera notamment assurée par des personnes ayant travaillé sur les films comme Basil Ivanick, Chad Stahelski, qui va d'ailleurs réaliser le premier épisode, David Leitch ou encore Keanu Reeves. On ne sait toujours pas s'il s'agira d'une série prequel, donc avant les films ou non, comme ça avait été mentionné auparavant, mais l'acteur principal devrait au moins faire une apparition. Pour l'instant, on dit que The Continental n'a pas encore de date, mais ça promet d'inclure les séquences de combats étourdissantes et les fusillades intenses entre assassins professionnels et leurs cibles que les fans sont venus à attendre dans la franchise de films John Wick, ainsi que l'introduction de quelques nouveaux personnages foncièrement convaincants qui habitent ce monde souterrain. C'était une citation. C'est sur le site biggeek.fr qu'on trouve cet article. Parlant de retour, remake, reboot, et toujours aux États-Unis, la série Dingue de toi, qu'on appelait au Québec à l'époque où ça jouait à Série Plus, Fou de toi, donc Mad About You, pourrait revenir avec Paul Reiser et Alan Hunt, qui devraient tous les deux revenir. Donc un autre retour pour une série du must-see TV, le créneau aux heures de grande écoute sur NBC. Donc de retour en prime time potentiellement, Sony Pictures Television Studios travaille sur un revival de Mad About You avec Paul Reiser et Alan Hunt, qui pourraient reprendre leur rôle de couple marié, donc Paul et Jamie Buckman. On dit que le revival, qui a été créé par Reiser et Danny Jacobson, reconnecterait le public avec Paul et Jamie dans le présent. Eux qui souffriraient du syndrome du empty nest, le nid vide, comme on l'appelle, des fois parce que leur fille de 17 ans, Mabel, partirait à l'université, donc ils se sentiraient seuls à la maison après avoir passé 17 ans avec Mabel. Sans qu'on les ait vus, évidemment, parce que la série était pas en onde, hein? Voilà, ça circule depuis quelques temps et ça irait avec le reste de la carrière de Paul Reiser, le nominé aux Emmy et aux Golden Globes. Il était paru dans des films comme Whiplash et Concussion et plusieurs émissions télé comme Red Oaks et le phénomène sur Netflix Stranger Things. Mad About You a duré 7 saisons de 1992 à 1999 sur NBC, a gagné plusieurs Emmy et Golden Globes. Sony TV qui avait aussi produit une adaptation de Mad About You en Chine. Et comme je disais tout à l'heure, le retour de Mad About You suit le retour des séries américaines comme Will & Grace, Fuller House, Roseanne, qui s'en vient sur ABC bientôt. On ne sait pas encore si ça va être sur NBC ou peut-être en streaming, mais donc Mad About You, un retour éventuel possible. On reste aux États-Unis et là, cette nouvelle-là, sérieusement, quand j'ai lu le titre, je me suis dit « Bon, encore une autre affaire, on n'a plus le droit de rien dire. Les milléniaux considèrent que Friends, entre amis, est raciste, homophobe et sexiste. » Voilà qui est dit. On arrête ça, on passe au prochain. Non. Le quotidien britannique The Independent a fait visionner la comédie Friends à des jeunes qui n'ont pas été impressionnés par certains aspects rétrogrades de la série. Hein? Autre temps, autre mœurs. Autre temps comme dans genre, il y a vraiment pas si longtemps que ça. Mais bref, on a une vision apparemment très différente par rapport à ce qui se passait à la télé il y a 20 ans, surtout en ce qui concerne la culture LGBT, l'égalité des sexes, ainsi que l'intégration et l'acceptation des autres cultures. Absolument. Comme le premier épisode de Friends a été présenté il y a de ça 24 ans, ben on constate qu'on vit plus à la même époque, nous rappelle showbiz.net. Donc le journal britannique The Independent a demandé à des milléniaux, dont je fais partie, mais auxquels j'aimerais mieux ne pas être associé. Donc, on a demandé à des milléniaux de visionner la série humoristique désormais disponible sur Netflix en Angleterre et de donner leurs impressions après coup. Les jeunes ont rapidement soulevé le fait que la série était raciste, homophobe, sexiste et transphobe. Donc, les éléments qui ont particulièrement déplu aux milléniaux, le fait que Chandler était paranoïaque à l'idée d'être perçu comme un homosexuel, le fait que Chandler fasse des blagues mesquines à propos de son père travesti, le fait que Monica n'ait jamais été capable d'oublier qu'elle a déjà fait du surpoids, hein? Le fait que Rachel engage un homme qui n'est pas qualifié pour le poste parce qu'elle est physiquement attirée par lui, Le fait qu'il n'y ait que deux personnages importants dans la série qui ne soient pas des blancs, ok, d'accord. Les petites amies de Ross, Julie et Charlie Wheeler. Et le fait que Ross ne puisse accepter que la nounou de sa fille soit un homme. Comme Friends reste encore à ce jour l'une des séries préférées de bien des gens, le journal demande s'il ne s'agit pas d'un problème en 2018. On rappelle que la créatrice de Friends avait fait une sortie publique il y a quelques années afin de déplorer les salaires astronomiques accordés aux acteurs de la série à l'époque. Ça n'a absolument rien à voir avec la nouvelle, mais showbiz.net finit toujours avec un petit quelque chose de par rapport pour combler l'espace d'une page web. Hein? Bref, je sais pas, effectivement, ces points-là sont quelque chose, mais c'est de l'humour et faut pas tout prendre au pied de la lettre non plus. Hein? Mais bon. Bref, ensuite, on continue justement dans l'intolérance hein, avec Roseanne Barr. On parlait tantôt du retour de Roseanne. Elle va jouer, en fait, son rôle de Roseanne va être une supportrice de Trump, selon l'agence France Presse. Donc, l'actrice américaine Roseanne Barr incarnera une supportrice du président Donald Trump, ce qu'elle est dans la vraie vie dans les nouveaux épisodes du retour de la série téléculte Roseanne, diffusée sur ABC à partir du mois de mars. Roseanne, donc considérée comme l'une des séries les plus marquantes des années 80 et 90. Hey, regardez pas ces épisodes-là, là, ça va être complètement déplacé pour vous, jeune millénaire. Donc, ça dépeignait la vie de Roseanne Conner, son mari Dan et ses quatre enfants, une famille blanche de la classe ouvrière peinant à joindre les deux bouts, illustration d'une Amérique rarement montrée à la télé. Donc, on dit que Roseanne Barr avait été l'une des rares artistes de Hollywood à soutenir publiquement le milliardaire Donald Trump pendant la campagne électorale de 2016, centrée sur la lutte contre l'immigration et la priorité aux emplois américains, des thèmes qui avaient touché au cœur l'électorat populaire blanc. La comédienne célèbre pour son franc-parler avait créé la polémique en 90 en chantant l'hymne national américain. Tu vois, ça, selon plus, ça n'a rien à voir. T'sais. Ça n'a absolument rien à voir, mais c'est comme ça. Roseanne, qui est de retour en mars. Je vais essayer de porter plus attention au dernier paragraphe des articles. Retour à la télé maintenant pour George Clooney. Oui, l'acteur et réalisateur américain George Clooney qui va produire, co-réaliser et jouer dans une nouvelle série, Catch-22, adaptée du roman de Joseph Heller, signant son retour à la télé presque 20 ans après avoir quitté la série ER, salle d'urgence, ou urgence dépendant d'où vous l'avez regardé. La série ne fera que 6 épisodes, annoncé dans un entretien au Hollywood Reporter, Amy Powell, présidente du studio Paramount Television qui produit la série avec la maison de production Anonymous Content. Les pourparlers sont déjà en cours avec la plateforme de diffusion vidéo en ligne Hulu, selon l'agence France Presse, a indiqué à l'agence France Presse une source proche du dossier confirmant les informations de plusieurs médias américains. Selon Amy Powell, l'acteur de 56 ans, qui a déjà remporté 2 Oscars, percevra autour $1 million par épisode pour sa participation à Catch-22. Ce sera la première fois que George Clooney en prend un personnage récurrent à la télé depuis son passage dans ER entre 1994 et 2009. Ça, c'est la série, pas son passage, il me semble. La série qui en a fait une célébrité. Il a joué le rôle du docteur Doug Ross, qui avait démissionné de l'hôpital Chicago où se déroulait la série lors de l'épisode diffusé en 1999. Voilà. George Clooney se lançant alors résolument dans le cinéma avec succès. Il a continué de faire quelques apparitions dans la série, notamment en 2009 lors de la 15e et dernière saison. Ouais. D'ailleurs, le roman de Joseph Heller a déjà été adapté au cinéma par le réalisateur Mike Nichols en 1970 et ça se situe lors de la Seconde Guerre mondiale et évoque l'histoire fictionnelle du capitaine Yossarian, un aviateur américain qui tente de se soustraire au combat en se faisant passer pour un fou. Un fou! Toujours aux États-Unis, Gillian Anderson qui confirme en avoir définitivement terminé avec la série The X-Files aux frontières du réel. En 2015, on se rappelle qu'on apprenait oui le retour de X-Files en 2016 et on pensait que ça s'arrêterait peut-être pas là. Ben justement, après la saison 11 a été confirmée pour 2018 et ça vient de commencer au début du mois de janvier. Mais si vous vouliez peut-être une 12e saison, ben ça pourrait être décevant pour vous parce que l'actrice Gillian Anderson, donc Scully dans la série, a confirmé en avoir officiellement terminé et prendre définitivement ses distances avec la série. Interrogée durant la tournée presse d'hiver de la Television Critics Association, elle précisait avoir pris cette même décision à l'issue de la saison 10, donc la dernière saison qui avait été diffusée en 2016. Mais le scénario de la saison 11 l'avait fait changer d'avis. Hein? David Duchovny, l'agent Mulder, quant à lui, n'envisage pas nécessairement d'arrêter. On se rappelle que la série d'origine, y avait eu un départ de David Duchovny, c'était Gillian Anderson qui était restée, si je me rappelle bien. Donc là, on ferait le contraire, peut-être. Il a admis avoir plusieurs fois tenté d'arrêter de jouer ce rôle, mais n'arrive pas à tirer un trait. Il dit qu'il ne connaît pas l'avenir. Il lit toujours ce qui arrive sur son bureau, donc peut-être qu'il pourrait continuer. Si X-Files peut effectivement continuer sans Gillian Anderson et David Duchovny, une chose est sûre, ce ne serait plus pareil. Peut-être que les gens n'écouteraient pas autant non plus. Ensuite... Toujours aux États-Unis, Sci-Fi va porter Night Flyers de George R.R. Martin en série. Donc, on connaît George R.R. Martin pour Game of Thrones. Ça va bientôt, il va être encore plus présent bientôt sur le petit écran avec l'adaptation en série de son roman de science-fiction Nightflyers sur la chaîne Sci-Fi et sur Netflix. Donc, on dit dans l'article de BigGeek.fr que ben, George R.R. Martin, aussi connu sous le nom de, pour moi, Lotari, n'a pas écrit que Game of Thrones dans sa carrière d'écrivain. Il a également signé en 1980 Nightflyers, qu'on appelle en français le vol craint, un court roman de science-fiction, déjà adapté au cinéma en 1987 par Robert Collector, Robert Collectionneur. Le récit va désormais arriver sous la forme d'une série sur Sci-Fi qui a officiellement commandé le projet après le passage par la case pilote. L'histoire suit 8 scientifiques non-conformistes et un puissant télépathe qui s'embarque dans une expédition au bord de notre système solaire, dans un vaisseau avec un petit équipage et un capitaine solitaire, afin de rentrer en contact avec de la vie extraterrestre. Mais alors que des événements terribles et terrifiants commencent à arriver, ils commencent à douter les uns des autres et survivre à cette aventure devient plus compliqué qu'initialement prévu. Daniel Cerone de The Blacklist sera dans le fauteuil du showrunner, tandis que Jeff Buehler, qu'on connaît pour Jacob's Ladder, se chargera d'écrire l'adaptation. Martin sera sans surprise à la production exécutive aux côtés de bien d'autres personnes, tandis que Mike Cahill de High Origin réalisera le premier épisode. La production est en cours en Irlande, mais aucune date de diffusion n'a encore été annoncée. Le casting est déjà connu, entre autres Gretchen Mol et quelques autres. Et Netflix étant à la coproduction avec Universal Cable Productions, Nightflyers va être diffusé sur la plateforme de vidéo sur demande à l'international, donc aux États-Unis, Sci-Fi, ailleurs, dont j'imagine le Canada, sur Netflix. Et on dit qu'une autre œuvre de George R.R. Martin, à savoir Wild Cards, devrait également arriver prochainement à la télé, en plus de Game of Thrones et de ses potentiels spin-offs futurs. Une série animée de la bromance entre Barack Obama et Joe Biden s'en vient avec Conan O'Brien comme producteur exécutif, ou en tout cas parmi les producteurs exécutifs. Donc une série d'aventures à grand concept mettant en vedette Barack Obama et Joe Biden en tant que voyageurs temporels cherchant un meilleur futur. A amené la production, la compagnie de production Titmouse et Conan O'Brien à bord comme producteur exécutif. Ça va s'appeler Barry and Joe, The Animated Series. C'est en développement, on appelle ça une comédie bromantique par le créateur Adam Reed. Le projet donc a réussi à ramasser plus de 100 000 $ US sur Kickstarter depuis son lancement au mois d'août. Donc une version très très romancée des meilleurs amis, entre guillemets, Obama et Biden. C'est décrit comme étant un Johnny Quest rencontre Quantum Leap. Si Johnny et Haji étaient en fait des anciens chefs démocrates et que l'équipe d'écriture de Hanna-Barbera prenait de la mescaline pendant le développement, selon ce qui a été rapporté à Vice. Donc, à bord du projet, les producteurs exécutifs Chris Prunowski et Ben Kalina de chez Titmouse. Titmouse qui ont travaillé sur Big Mouth, Mouth et The Venture Brothers. Donc, développent le pitch de cette série-là. On va surveiller nos amis Barry and Joe, The Animated Series. La série télévisée de Halo est toujours en développement. La chaîne américaine Showtime assure que la série produite par Steven Spielberg en collaboration avec 343 Studios est encore sur les rails malgré une avancée lente du projet en 5 ans. Fortement occupé à terminer la production du film Ready Player One, donc qui est prévu en salle, oui, pour le début de cette année, au printemps. Adaptation du roman éponyme de Ernest Cline, où un univers plongé dans le chaos se renferme dans un monde en réalité virtuelle. Le célèbre réalisateur Steven Spielberg n'oublie pas pour autant la série télé basée sur la licence Halo de Microsoft. Du moins, c'est ce qu'ont laissé entendre les patrons de Showtime, le réseau qui va s'occuper de diffuser ce fameux projet annoncé en grande pompe il y a plus de 4 ans maintenant. David Nevins, président de la chaîne américaine, annonce avoir lu les scripts et promet un développement toujours aussi actif. Mm-hmm. Toujours en développement, on continue d'avancer et ils sont confiants par rapport à ce qu'ils ont vu. Si la série télé Halo ne devrait pas arriver avant plusieurs années, le sixième opus de la licence vidéoludique de 343 Studios est lui aussi prévu d'ici quelques années, alors que les fans s'attendaient à un lancement pour cette année. Brian Gerard, le community manager, gestionnaire de la communauté du studio américain, a cassé les espoirs en indiquant qu'il n'y a aucune estimation de date pour son lancement. Il faudra encore attendre longtemps avant que vous n'entendiez quelque chose de véridique sur Halo 6, dit-il. On reste dans les jeux vidéo, toujours aux États-Unis. Avec la chaîne CW et EA qui vont travailler ensemble sur une émission spéciale pour la télé qui va ressembler à Survivor, mais mettant en vedette du e-sports avec NFL 18. Les fans de e-sports se sont quand même assez présents et ça prend de l'ampleur de plus en plus et on est rendu pas mal mainstream, hein, les grandes chaînes qui diffusent ça, des e-sports de nos jours, donc la chaîne CW, le réseau, croit que e-sports pourrait être populaire à l'extérieur des fans hardcore et ils mettent leur argent sur EA Madden NFL 18 Challenge, une émission spéciale d'une heure produite par Electronic Arts qui a été diffusée le 27 décembre dernier sur le réseau. Une émission spéciale qui parlait donc, qui montrait les 8 joueurs en train de compétitionner dans une compétition, hein. Madden NFL à LA. Donc, il y avait des trucs behind the scenes, des vedettes. Et c'était produit exactement comme une série télé, comme une télé-réalité à la Survivor, avec les commentaires play-by-play qu'on trouverait normalement sur Switch. Donc, ça a été diffusé. J'ai pas regardé pour les succès de code d'écoute, mais bon, probablement que c'est mieux que des reprises de d'autres choses, peut-être. Je sais pas. Ensuite, une série animée sur Galaga qui va avoir une expérience interactive autour d'elle. Donc, on aime beaucoup ramener des choses de la culture populaire du passé. Et bien, le jeu vidéo Galaga va être développé en série animée. Non seulement ça, mais il va y avoir une expérience d'immersion grâce à la collaboration avec The Notary Entertainment et les esprits créatifs chez Meow Wolf. Donc, l'annonce de l'adaptation de ce jeu vidéo culte Bandai Namco se nommera Galaga Chronicles. Ça a été annoncé plus tôt cette année au San Diego Comic-Con. Et maintenant, Notary Entertainment et Meow Wolf vont collaborer avec une expérience immersive pour coïncider avec la sortie du jeu vidéo. La collaboration va faire le pont entre le contenu animé de la série et des trucs physiques, de la marchandise, des médias, des trucs comme ça, et une série de compétitions annuelles, Score Wars, qui va être lancée avec le Galaga World Championship à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, le 29 mars prochain. Pardon, et la série... du même concept que les animés japonais. Ça va s'appeler, comme je disais, Galaga Chronicles Revolution Age. Et c'est pas mal ça. Il y a beaucoup de détails d'autres que ça, mais allez voir dans l'article sur assemblagerequis.com. On va suivre ça quand ça sortira. Nouvelle qui est sortie récemment, Super Nanny, la super nounou qui fait scandale au Portugal. La déclinaison portugaise de l'émission Super Nanny mettant en vedette une nounou qui aident les parents dans l'éducation de leurs enfants, a provoqué de vives réactions après la diffusion du premier épisode, le programme étant accusé d'enfreindre les droits des enfants. Cette émission, donc, on dit, je cite, « va à l'encontre de l'intérêt supérieur des enfants et viole un certain nombre de droits des enfants », a annoncé dans un communiqué la branche portugaise de l'UNICEF, agence onusienne, donc de l'ONU, chargée de la protection de l'enfance. Concept britannique décliné dans plusieurs pays et acheté par la chaîne privée portugaise SIC, Super Nanny met en scène des familles débordées faisant appel au service d'un coach, d'une nounou en tailleur stricte qui apprend aux parents à se faire respecter par leurs enfants. À l'instar de l'UNICEF, plusieurs institutions portugaises ont également réagi contre une émission qui, selon eux, porte atteinte à la vie privée et à l'intimité des enfants. Cette émission peut avoir des effets néfastes sur la personnalité de l'enfant, a dit la Commission nationale pour la promotion des droits et la protection des enfants, la CNPD-PCJ. Évidemment. De son côté, l'Ordre des psychologues a condamné le fait que leur métier soit exercé dans le cadre de l'émission à audience massive, indiquant avoir reçu plusieurs plaintes contre leur collègue Teresa Paula Marquez, l'animatrice de l'émission portugaise. La télévision SIC s'est défendue de ses critiques, disant avoir respecté la loi en vigueur et obtenu toutes les autorisations requises. Le programme aborde des situations réelles de façon responsable et sans voyeurisme, a réagi la chaîne dans un communiqué. Si vous trouviez qu'il y avait beaucoup d'émissions à regarder et que vous manquiez de temps, ben Colin, c'est pas un hasard parce qu'on a diffusé en 2017 aux États-Unis seulement 487 séries scriptées. Ça, c'est sans compter les téléréalités qui sont entre guillemets unscripted, là, ben, c'est discutable. Mais quand même, le nombre d'émissions en streaming a augmenté de 680% depuis 2012. Hein? En 2015, le directeur général de FX Networks, John Landgraf, avait inventé la phrase « Peak TV », donc le summum, le sommet de la télé, pour décrire l'incroyable contenu disponible à la télé sur le câble, la télé de base, le câble et les plateformes de streaming. Cette année-là, il y avait un record de 422 émissions scriptées sur ces différentes plateformes, mais Peak TV n'était pas à son sommet, hein, parce qu'il y a des nouveaux estimés, comme j'ai dit, 487 séries scriptées à la télé de base, le câble et le streaming. C'est 32 émissions de plus, 7% d'augmentation, versus les 455 qui avaient été diffusées en 2016. Et comme je disais, ça n'inclut même pas les supposées téléréalités qui sont diffusées chaque année. C'est incroyable. Allez voir les petits tableaux, les infographies sur assemblagerequis.com. Ensuite, pardon, ça va très bien. Très bien. Allons-y avec le retour des Animaniacs. On a déjà parlé de ça à l'émission, mais on sait qu'ils vont être de retour maintenant sur Hulu, à la plateforme américaine qui a annoncé que le dessin animé culte des années 90 allait bénéficier d'un revival de 2 saisons à partir de 2020. Donc, comme on dit dans l'intro, ils ont re-signé un contrax. Les Animaniacs, trio composé des deux frères Wako et Yako et de leur sœur Dot, seront de retour en 2020 sur la plateforme de vidéo sur demande Hulu. Le dessin animé, diffusé entre 1993 et 98, mettait également en scène les souris Minus et Cortex, les pigeons Tubo et Mindy, l'écureuil Rififi, Rita et Spot le chat et le chien, et quelques autres. Rita et Spot, le chat et le chien. Fallait lire la phrase avec des pauses aux bons endroits. 99 épisodes qui ont été tournés en boucle, qui ont tourné en boucle pendant des années et qui ont donc marqué toute une génération. Tout le monde va être de retour donc aux États-Unis dans 2 ans. Et on verra si c'est bon. 2 saisons sont déjà prévues avec à la production Steven Spielberg. Comme à l'époque, ça va être génial. Apple commande une série au réalisateur de Hunger Games. Donc, Apple a commandé au réalisateur de trois des 4 volets de la saga Hunger Games, Francis Lawrence, une nouvelle série après avoir déjà mis en production plusieurs autres programmes l'an dernier. Elle sera également aux commandes de cette nouvelle série qui s'appelle C.S.E. Stephen Knight, Stéphane Chevalier, scénariste du film Dirty Pretty Things de Stephen Frears ou de la série britannique Peaky Blinders, a indiqué une source proche du dossier confirmant une information du Hollywood Reporter. La série va être située dans le futur. Elle sera également produite par les deux maisons Churnin Entertainment et Endeavor Content, qui ont créé une entité conjointe dédiée à la création de séries dramatiques. C'est le 4e grand projet de série télé commandé par Apple, après notamment un feuilleton coproduit par les actrices Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, ainsi que de nouveaux épisodes de la série Amazing Stories, produit par NBC Universal et encore Steven Spielberg. Donc, on a également mis la main sur plusieurs programmes de télé-réalité chez iTunes, vous le savez. Selon la presse américaine, Apple souhaiterait investir $1 milliard pour produire des émissions. Voilà. Et pour terminer, 128 centres d'entraînement, dont des gyms, ont commencé à bannir les nouvelles câblées sur leur télé dans les gyms. Est-ce que vous vous sentez stressé des fois par le cycle de nouvelles, le cirque ou le cycle de nouvelles, dépendant des gens, par rapport à tout ce qu'il y a autour de Trump en ce moment? Donc, il y a une chaîne de fitness basée au Minnesota, Lifetime Athletic, qui a décidé d'arrêter de montrer les chaînes de nouvelles câblées sur leurs écrans de télé, disant que les membres, un nombre grandissant de membres, trouvent que ça ne va pas avec leur style de santé, leur healthy lifestyle. Le St. Paul Pioneer Press a dit plutôt récemment, en fait, que la compagnie a officiellement abandonné CNN, Fox News, MSNBC et CNBC des télés devant ces différentes machines, dont les tapis roulants et les vélos. La porte-parole de Lifetime, Nathalie Boucha, a dit à Pioneer Press que la compagnie, qui a 128 centres de fitness aux États-Unis et au Canada, a décidé d'éteindre ses chaînes de nouvelles câblées basées sur les demandes des membres reçues pendant une certaine période de temps dans le pays. Donc, leur philosophie et leur engagement à donner un environnement familial et libre de tout ce qui est négatif et les nombreuses mentions dans les bas d'écran de shithole et autres trucs comme ça, pas super familial. Bref, la porte-parole a dit que les clubs ont la flexibilité de diffuser les émissions ou les programmes qui les intéressent dans leur club, comme des événements sportifs, des trucs comme ça, mais pas de chaîne câblée. Non. Entre autres, les chaînes USA, A&E, Discovery, HGTV, les stations locales et ESPN sont encore permises. Bien sûr, et apparemment, les membres sont en accord avec tout ça, soutiennent la décision. D'autres, évidemment, sont perplexes devant tout ça. On a parlé à quelques gens, c'est dans l'article sur assemblagerequis.com. C'est donc chez Lifetime Athletic que ça se passe. Voilà un énorme blog de Television. C'est la chronique sur laquelle j'aime passer le plus de temps parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Et aujourd'hui, on a fait un bon 33 minutes de Television. On est dû pour une petite pause musicale, hein? Donc, on s'en va entendre une pièce de... attention, c'est le... Non. Avant de continuer, en début d'émission, avec Frédéric Simon, on a fait la chronique sur le Nintendo Direct Mini. Et j'ai oublié de revenir après la pause avec ça. On a dit en fin de chronique qu'il y avait une autre petite soirée, un autre petit événement. Sachez, pour les gens qui nous écoutent le mercredi, que c'est tout à l'heure, à 17h. C'est pas un Nintendo Direct Mini, c'est une autre chose. On appelle ça un New Play. Ça va être à 7h du matin au Japon, donc 17h, heure de Montréal. Le communiqué de la firme de Kyoto tease un petit peu concernant une expérience interactive inédite sur la fameuse console hybride, la Switch. On peut s'attendre à l'annonce d'une nouvelle option, peut-être d'un jeu ou encore d'un accessoire, c'est ce que les gens sur Reddit disent. Et on rappelle dans l'article de BigGeek.fr que le nom New Play est un terme qui a déjà été utilisé par le passé chez Nintendo pour les portages de jeux de GameCube à la Wii. Donc, est-ce que c'est une nouvelle façon d'appeler les jeux de la Wii U sur la Switch? Peut-être. On va voir ça. On en reparlera peut-être dans les prochaines semaines. Donc, ça a lieu dans 45 minutes environ pour les gens qui nous écoutent le mercredi. J'étais en train de dire qu'on allait entendre du rock orchestral sur la trame sonore de Gundaki Industries par Dale North. On s'en va entendre la pièce Duck and Cover, entre parenthèses River Valley, au Mathieu Plante Show. Sur ces fous. We'll be right back. La pièce Robots in Ruin, Ancient Ruins par Dale North sur l'album Gundaki et The Swiss Original Soundtrack. Avant ça, la pièce qu'on a entendue, c'était Duck and Cover, basée sur River Valley. Entre parenthèses, River Valley, pas basée sur. C'est quatre pièces, donc, de la trame sonore du jeu indépendant Gundaki. C'est du rock, qu'ils disent, en guillemets. Puis c'est la trame sonore d'un simulateur de vol par The Voices Game. Donc, toute la musique composée, mixée et masterisée par Dale North. Maintenant, c'est Merci Science. Merci Science, la collègue qui remercie la science d'exister. On commence en sexe un petit peu. Et les spermatozoïdes plus en forme les mois d'hiver. Les spermatozoïdes humains apprécieraient l'hiver. Ils seraient en effet plus nombreux et surtout plus mobiles durant la mauvaise saison, du moins chez les hommes ne souffrant pas d'infertilité. Y a-t-il donc des meilleurs moments pour faire des bébés? Ben, selon l'étude de 2013, oui. Bien que les hommes et les femmes puissent théoriquement concevoir des bébés tous les mois de l'année, les études démographiques montrent que l'on observe une saisonnalité des naissances depuis aussi loin qu'on remonte le passé. Mais ceci est variable et dépend aussi des époques. Par exemple, au 17e siècle en France, les accouchements étaient surtout concentrés entre janvier et avril. Pourquoi? Parce que durant ces périodes-là, la population suivait avec plus de rigueur les principes religieux et certains prônaient l'abstinence lors de célébrations particulières ou bien que l'union d'un couple ne pouvait être consommée qu'une fois l'homme et la femme mariés. Aujourd'hui, les courbes se sont nettement homogénéisées, même s'il existe encore des variables selon les mois. Apparemment que les enfants, les bébés, naissent davantage entre mai et septembre. À quoi est-ce que c'est dit? Probablement à certains critères socio-économiques, mais aussi à cause de la célébration du passage de la nouvelle année. Mais peut-être aussi que la biologie est également derrière tout ça. En effet, les chercheurs israéliens de l'université Ben Gurion du Negev viennent en 2013 de faire un constat surprenant dont ils ont fait part dans la revue American Journal of Obstetrics and Gynecology. Leur étude montre que le sperme humain est plus fécond lors des mois d'hiver et jusqu'au début du printemps. Ainsi, 6455 échantillons de sperme d'hommes en couple ne parvenant pas à concevoir les enfants ont été récoltés entre janvier 2006 et septembre 2009 et passés sous microscope. En tout, 4960 d'entre eux ne présentaient aucun signe d'inquiétude quand les 1495 restants comportaient moins de 15 millions de spermatozoïdes par millilitre de semences, critère de l'OMS pour définir l'infertilité. C'est seulement une analyse plus précise qui révèle qu'au cours de la saison froide, les spermatozoïdes sont retrouvés en plus grand nombre, qu'ils étaient plus rapides et moins déformés chez les hommes fertiles. Par exemple, en hiver, ils disposent de 70 millions de gamètes par millilitre, dont 5% se montrent particulièrement motiles et bons nageurs, ce qui augmente les chances de fécondation. Au printemps, les effectifs chutent de 2 millions par millilitre et les proportions de spermatozoïdes très actifs passent à 3%. Donc, du printemps à l'automne, les populations et la motilité diminuent peu à peu. Cependant, ce modèle ne s'observe pas chez les hommes infertiles. Pour eux, les records de vitesse sont battus en automne, mais c'est au printemps que leurs cellules sexuelles sont les mieux formées. Cette recherche, qui on rappelle date de 2013, n'apporte pas les explications biologiques sous-jacentes. Ça n'empêche pas les scientifiques d'émettre quelques suppositions à partir de ce qu'on a déjà pu noter chez d'autres espèces animales. En général, leur quantité de sperme diminue quand les températures augmentent, peut-être à cause de l'exposition au soleil. Des variations hormonales sont aussi envisagées. Mais revenons aux humains. Que tirer d'une telle étude? Qu'il existe probablement des moments de l'année où la conception d'un bébé est légèrement plus simple qu'à d'autres. Savoir à quel moment concentrer les efforts pourrait faire gagner du temps et limiterait peut-être la frustration de certains couples en difficulté pour avoir un enfant. Mais il serait dommage de leur conseiller de ne pas poursuivre les tentatives le reste de l'année, nous rappelle Futura Science. On reste dans le même domaine. Porter le kilt pour un sperme de meilleure qualité. C'est encore en 2013, donc un chercheur néerlandais montrait qu'au contraire, porter un kilt de manière traditionnelle, donc sans rien dessous, contribuerait à améliorer la qualité du sperme. Les bourses sont en crise, il ne s'agit pas des places financières qui, elles non plus, ne sont pas au beau fixe, mais bel et bien de la fertilité masculine. Depuis une cinquantaine d'années, la qualité et la quantité du sperme diminuent, bien qu'on ne sache pas vraiment pourquoi. Probablement une accumulation de facteurs, comme une pollution environnementale et un mode de vie trop sédentaire, à quoi il faut peut-être ajouter le port de sous-vêtements trop serrés. Depuis les années 80, les spécialistes de la fertilité dénoncent les slips moulants, les bobettes. C'est en 1990 que leur impact nocif a pu être démontré. Pourquoi? Parce qu'ils augmentent la température à l'intérieur des testicules de 3,5 degrés Celsius, ce qui aboutit à une production de sperme ralentie et à des spermatozoïdes moins mobiles. Or, on le sait, la spermatogénèse est optimale à 34 degrés Celsius, soit 3 degrés de moins que le reste du corps. C'est pour ça que la position des testicules varie en fonction des situations. Il est connu qu'un homme qui sort d'une eau à 22 degrés Celsius n'est pas au summum de sa virilité. En effet, dans ce cas de figure, les gonades masculines remontent pour chercher la chaleur de l'organisme et se maintenir à la température idéale. Lorsqu'il fait chaud, elles redescendent et s'éloignent, toujours dans le même but de la productivité. Sachant cela, Le scientifique néerlandais Erwin Kampange de l'université Erasme de Rotterdam s'est penché sur la question. Son hypothèse, le kilt porté de manière traditionnelle et régimentaire, comme on dit dans le milieu, donc sans rien en dessous, permet d'améliorer la qualité du sperme. Et d'après ses conclusions publiées dans le Scottish Medical Journal, la jupe en vaut la chandelle. Les études sur lesquelles il se base montrent par exemple que la température du scrotum est la plus basse lorsqu'un homme se tient debout et complètement dévêtu. Ainsi, revêtir un kilt permet d'imiter la situation qui s'avère être finalement la plus naturelle. L'air circule bien mieux et permet des conditions favorables à la production de sperme. Erwin Kampange va même jusqu'à affirmer que le déclin de la fertilité des Écossais constaté ces 50 dernières années pourrait s'expliquer par le fait que les hommes des Highlands ne revêtent la jupe traditionnelle celte qu'en de rares et grandes occasions. D'autre part, dans ses travaux, il explique que le port du kilt induit des bénéfices sur le plan psychologique. Il permettrait à l'homme de rester plus à l'écoute de son propre corps, mais aussi de ressentir plus de virilité et surtout de susciter l'intérêt de la jante féminine. Hein? Hétéronormativité? Hein? Inacceptable. Des arguments qu'il faut malgré tout modérer car ces aspects pourraient être culturels plutôt qu'universels. Il existe peu de sociétés humaines où les hommes utilisent la jupe comme arme de séduction massive. En conclusion, l'auteur invite donc les hommes désireux d'être pères à tomber le pantalon et le caleçon et à remplacer le tout par un kilt. Voilà donc l'occasion de ne pas limiter la journée de la jupe à la seule population féminine. Encore une fois, un article de Futura Science. On reste chez les bébés. Hein? Aux États-Unis, un bébé naît d'un embryon congelé il y a 24 ans. D'après l'association National Embryo Donation Center, une jeune femme américaine née en 1991 a donné naissance à une petite fille dont l'embryon a été congelé en 1992. Une situation exceptionnelle dans le monde. Je cite, « Nous aurions pu être meilleurs amis », a relevé la jeune mère Tina Gibson dans une entrevue à WBIR, une chaîne de télévision locale. L'embryon de sa fille, née en bonne santé, avait été conçu par un autre couple et congelé le 14 octobre 1992. Il s'agit de l'embryon qui a été congelé pendant la plus longue période à venir au monde, a fait valoir cette association, le Donation Center de tantôt, une organisation chrétienne qui a fait part de la naissance de Emma Rand Gibson le 25 novembre. Le NEDC s'est basé sur les ressources de la bibliothèque médicale Preston de l'Université du Tennessee pour en tirer cette conclusion. Le directeur marketing de la NEDC, Mark Mellinger, a expliqué à l'agence France Presse que Tina Gibson et son mari avaient sélectionné l'embryon sur la base de ses caractéristiques génétiques, sans savoir depuis combien de temps il avait été congelé. Selon M. Mellinger, Tina Gibson avait reçu 3 embryons, dont un seul a survécu, alors que les 2 autres embryons du même couple sont encore congelés. La jeune femme a expliqué avoir seulement appris de la part des docteurs une fois enceinte que l'embryon avait été congelé quelques mois après sa propre naissance. Les experts ont cependant mis en doute les affirmations de la NEDC, expliquant qu'il est seulement requis aux États-Unis de communiquer sur l'issue de l'accouchement et non sur la durée de la congélation d'un embryon. Un précédent record serait celui d'un garçon né à New York en 2011 d'un embryon congelé durant 20 ans. Mais on dit que personne n'a ses archives, a affirmé à CNN Zahar Mary, directeur de recherche au New Hope Fertility Center de New York. Mais bon, la mission de la NEDC, telle que décrite par l'organisation de Knoxville au Tennessee, est de protéger les vies et la dignité d'embryons congelés qui ne seront pas utilisés par leurs parents génétiques et d'aider d'autres couples à construire une famille. Parlant de bébé, mais avant le bébé, l'orgasme féminin serait un vestige de l'évolution. Des sexologues et des neurologues taïwanais publiaient un rapport en décembre listant les médicaments à l'origine d'orgasmes spontanés, des traitements antidépresseurs pour la plupart, mais au fait à quoi ça sert l'orgasme féminin. Il y a à peu près un an, des chercheurs américains annonçaient qu'ils auraient joué un rôle prépondérant dans le déclenchement de l'ovulation chez les très lointains ancêtres, avant de perdre cette fonction et devenir uniquement une source de plaisir. Depuis l'Antiquité, donc, l'orgasme féminin intrigue les spécialistes qui ont tenté sans grand succès d'expliquer son rôle. Alors que, comme le notait déjà Aristote, les femmes peuvent concevoir sans rien ressentir. Chez les hommes, en revanche, l'orgasme est nécessaire pour l'éjaculation et le transfert du sperme. Pour comprendre l'origine de l'orgasme féminin, Gunther Wagner de l'Université Yale et Mihail Pavlisev, je dirais, à l'hôpital des enfants de Cincinnati, se sont intéressés à la décharge de prolactine et d'ocytocine dans le système sanguin qui accompagne l'orgasme féminin. Il y a 60 à 65 millions, j'imagine que c'est d'années. L'article dit « il y a 60 à 65 millions ». Cette libération d'hormones jouait un rôle dans l'ovulation chez la plupart des femelles mammifères, selon Gunther Wagner, mais par la suite, certains ont évolué vers une ovulation cyclique, rendant l'orgasme superflu. Les chercheurs ont également découvert que la position du clitoris s'est éloignée du vagin chez les mammifères à ovulation spontanée comme l'être humain, rendant la stimulation plus difficile lors du rapport sexuel. Je cite « Ceci peut expliquer pourquoi certaines femmes parviennent à l'orgasme grâce à la masturbation ou à la stimulation clitoridienne, notent les chercheurs dont les travaux sont publiés dans la revue Journal of Experimental Zoology. S'il ne sert plus à l'évolution, les chercheurs estiment que l'orgasme peut avoir d'autres fonctions, comme celui de favoriser une liaison affective. Justement, tiens, des fois, ça peut provoquer, lors de relations, peut-être, je sais pas, une chicane. Et les gens coléreux voient vraiment la vie en rouge. Les personnalités agressives ont tendance à voir plus de rouge dans le décor que les individus plus calmes, selon une étude de 2014. Un phénomène qui viendrait de l'époque où nos ancêtres vivaient de la chasse et de la cueillette. Comme quoi, les goûts et les couleurs ont peut-être une racine plus profonde que ce qu'on pouvait penser. Lorsque la personne en face de nous nous prévient qu'elle voit rouge, il faut se préparer au pire. Et si cette expression avait une vérité scientifique? C'est ce que laissent entendre les psychologues américains dans la revue Journal of Personality, une conclusion qui mérite de plus amples explications. Je vais sauter par-dessus les phrases niaiseuses de début d'article. Des études précédentes soulignaient une association entre la couleur rouge et la sensation d'agressivité, et ce à travers de nombreuses cultures humaines, y compris dans la nôtre, où cette teinte symbolise l'interdit et le risqué. Jusque dans les symboles de la circulation, par exemple le sens interdit, feu tricolore, annonce d'un danger. C'est aussi la couleur du sang qui, lors des grosses colères, s'accumule notamment au niveau de la tête et nous fait devenir tout rouge. Adam Fetterman de l'Université du Dakota du Nord a voulu creuser la question. Les personnes les plus agressives sont-elles celles qui préfèrent le rouge? Autrement dit, les goûts pour les couleurs révèlent-ils une certaine psychologie? Il semblerait que oui. Cette recherche consiste en plusieurs petites expériences auprès de 376 étudiants. Dans un premier temps, on interrogeait les participants sur leur couleur préférée avant de leur faire passer un test de personnalité. Ceux qui manifestaient le plus d'hostilité vis-à-vis de leur père avaient tendance à préférer le rouge. Lors d'une deuxième épreuve, chacun était invité à observer une image où du rouge et du bleu délavé étaient mêlés, de telle sorte qu'aucune des deux couleurs ne prédomine sur l'autre. Pourtant, les auteurs ont demandé aux étudiants de définir laquelle des deux teintes était la plus représentée. Ceux qui ont répondu le rouge avaient globalement une personnalité 25% plus hostile que leur homologue, manifestant plus d'intérêt pour le bleu. Enfin, pour couronner le tout, les scientifiques ont placé les participants dans plusieurs scénarios dans lesquels ils devaient faire face à un danger et disposer de diverses possibilités pour s'en sortir. Les personnes qui expliquaient vouloir se défendre plutôt que fuir étaient plus enclines à préférer à préférer le rouge. À la lueur des expériences, les auteurs écrivent dans leur article que les pensées agressives sont implicitement associées à la couleur rouge et donc les personnes pleines d'inimitié, sont plus à même de percevoir cette teinte autour d'eux. L'hostilité fait donc voir la vie en rouge. Mais d'où viendrait cette particularité? Les scientifiques pensent trouver la réponse dans notre passé. Les ancêtres chasseurs-cueilleurs, et peut-être même avant encore, ont dû apprendre à se méfier de ce qui est écarlate et ainsi l'associer au danger. Des fruits toxiques, des insectes dangereux ou du sang qui coule, synonyme de blessure ou de mort. Cette symbolique serait si solidement ancrée dans nos esprits qu'elle altérerait encore notre perception du monde. On change de domaine, Star Wars pourrait nous éviter un cancer du côlon. Ouais, la force donnerait des pouvoirs au diagnostic médical. Une étude de 2017 comparant des coloscopies réalisées dans deux environnements musicaux différents a montré que la bande-son de Star Wars permettait de détecter plus d'adénomes et de polypes, donc de bonnes raisons pour voir et revoir toute la saga. La gastroentérologie n'échappe pas à la mode Star Wars. Dans cette étude rédigée avec beaucoup d'humour qui paraît dans Medical Journal of Australia, les auteurs sont pourtant partis du constat très sérieux que la musique a des vertus en médecine, y compris en salle d'opération. Elle aide par exemple le patient à réduire son anxiété et favoriserait les performances des médecins. Mais aucune étude jusque-là ne s'était penchée sur les bénéfices de la musique pour la coloscopie. Il n'y aurait pas non plus de données sur le style de musique le plus efficace pour réussir une endoscopie. Pourtant, les médecins sont amenés à travailler dans un environnement relativement stressant pour réussir ces opérations. Différents styles de musique ont été proposés en salle d'opération, mais d'après les auteurs qui avouent être des fans de Star Wars, les musiques issues de films épiques n'en faisaient pas partie. Or, les bandes-sons de ces films contiennent des mélodies associées à la gloire, au succès, à la victoire, qui pourraient avoir un effet positif sur un médecin. C'est pourquoi les auteurs ont voulu tester l'effet de la musique de Star Wars en salle de coloscopie et la comparer à celui de la musique pop. Ces expériences ont été réalisées entre juin et août 2015 à Melbourne. L'étude a reçu l'approbation du comité d'éthique local. 103 coloscopies ont été analysées, 58 réalisées avec la musique de Star Wars et 45 avec la musique pop. Le choix de la musique a été tiré au sort avant chaque opération et la bande-son de Star Wars utilisée contenait la musique de l'épisode 3 avec Battle of the Heroes composée par John Williams. 5 personnes ont pratiqué les endoscopies, dont une ayant 10 ans d'expérience qu'on appelle le maître du Jedi, le maître du Jedi, et 4 avec une à 2 années d'expérience, les Padawan. Maître Jedi. Pour mesurer l'efficacité de la coloscopie, les chercheurs ont utilisé le taux de détection des adénomes, donc le nombre de coloscopies avec au moins un adénome retiré, divisé par le nombre de coloscopies, et le taux de détection des polypes, donc le nombre de coloscopies avec au moins un polype retiré, divisé par le nombre de coloscopies. La durée de l'opération était similaire dans les deux groupes, donc 20 et 22 minutes. La préparation colique a été jugée comme bonne ou excellente à 57% dans le groupe avec Star Wars et à 69% dans l'autre groupe. La qualité donc de la préparation des patients était moins bonne dans le groupe opéré avec la guerre des étoiles. Malgré ces difficultés qui auraient pu compliquer le diagnostic, l'efficacité de la coloscopie était meilleure avec la musique de la saga intergalactique, puisque l'équipe médicale a trouvé plus de polypes et d'adénomes avec elle. 60% de taux de détection de polypes avec la musique de Star Wars et 35% avec la musique pop. De même, le taux de détection des adénomes était de 48% avec Star Wars et de 35% avec de la musique pop, ce qui suggère que les praticiens montraient de meilleures qualités d'observation dans l'environnement musical de Star Wars. Les auteurs conseillent donc l'utilisation de cette musique-là en fond musical pour les coloscopies. Ils se demandent également si d'autres musiques de films épiques comme Le Seigneur des Anneaux pourraient donner des résultats comparables. Voilà pour Merci Science. On est rendu à entendre encore un petit peu de chiptune. Cette fois-ci, on y va avec un cover sur synthétiseur de Metroid. Et c'est la chanson thème qu'on s'en va entendre. Voici donc Tattle Theme Analog Synth Remake au Mathieu Planchot. Thank you. Last the Boy, avec un cover d'une pièce de Kirby. Hein? Main Menu, qu'on vient d'entendre. Oh, c'était bon ça. C'est canadien en plus, hein, cet artiste-là. Laugh the Boy, l'album s'appelle Bits and Bytes. Et il reprend plein de pièces de jeux vidéo, dont Donkey Kong Country, Legend of Zelda, Ocarina of Time. Tantôt, on va entendre une pièce de Super Mario 64, Dire Ducks, en fin d'émission. Avant ça, on avait entendu une pièce de Metroid reprise au synthétiseur. L'album est disponible sur YouTube, le lien sur assemblagerequis.com. Ça aussi, c'était vraiment bon. Toujours Mathieu Plantchot, maintenant, c'est le segment geek, c'est CELIX, où on parle de choses qui sont cool, nouvelles et extrêmement intéressantes. Celle-là est un petit peu triste, par contre, on a débuté l'émission dans l'intro en en parlant un petit peu. Un homme qui se tue accidentellement en jouant à un jeu en réalité virtuelle. Ouais, selon le petit reportage, cette nouvelle-là, un homme de 44 ans qui était en train de jouer à un jeu en réalité virtuelle, il a trébuché, il est tombé sur une table en verre. Il est mort rapidement sur place après avoir perdu beaucoup de sang selon les médias locaux. Il jouait avec un casque sur les yeux. Hein. D'après les premières informations, l'homme a trébuché et tombé sur une table alors qu'il se déplaçait dans l'appartement avec le casque sur le nez. Il est mort de ses blessures. Selon RT World News, le site len2.ru précisait que l'homme aurait pu survivre s'il n'avait pas continué de jouer après sa chute. Un fait divers, étrange, malheureux, mais qui nous rappelle qu'il faut être prudent avec ces affaires-là. Mm-hmm. Ensuite, on continue en réalité virtuelle. Faire du sport se transforme en une expérience de réalité virtuelle, justement. C'était au CES la semaine passée, la start-up Blackbox VR propose aux sportifs novices de combiner leurs exercices en salle à des jeux en réalité virtuelle pour se motiver. Si vous aimez donc la VR et que faire plus de sport fait partie de vos bonnes résolutions pour l'année, alors la proposition de Blackbox VR pourrait vous intéresser. Cette start-up américaine a trouvé le moyen de combiner sport en salle et réalité virtuelle pour réaliser une gamification de l'exercice. Basée dans l'Idaho, la start-up a apporté au CES de Las Vegas, le Consumer Electronics Show, une machine de musculation qui permet de soulever des poids avec ses bras. Bardée de capteurs, elle s'avère être un énorme contrôleur pour un système de réalité virtuelle. Équipé d'un casque HTC Vive, le sportif est immergé dans un stade virtuel où il doit relever des défis à la force de ses bras. Le tout est censé le motiver à continuer les exercices pour engranger le plus de points possible. Plus le jeu s'intensifie, plus l'effort augmente. Blackbox VR a déjà de grands projets pour son système et compte proposer prochainement un mode multijoueur qui permettra à deux sportifs de s'affronter virtuellement, qu'ils soient dans la même salle ou pas. Preston Lewis et Ryan DeLuca, les deux inventeurs du concept, espèrent ainsi motiver les novices en salle à continuer à venir s'entraîner sur une durée suffisamment longue pour obtenir des résultats. Par ailleurs, la machine ajuste elle-même la résistance à l'aide de ses capteurs et ses créateurs pensent que ça va réduire fortement le risque de blessures liées à un mauvais ajustement manuel. En notant qu'il n'y a pas de table, hein, c'est ça. La première salle de sport Blackbox VR est prévue cette année à San Francisco. Pour voir de telles machines comme ça, il va falloir attendre au Québec, bien sûr. Ensuite, on parle de robots, les robots sexuels qui vous rendront peut-être obsolètes un jour. On parle de plus en plus d'obsolescence programmée, mais elle ne concerne que les appareils électriques. Une révolution en cours, toutefois, pourrait être en train de mettre une date limite aux personnes de sexe masculin, ou qui se décrivent comme étant de sexe masculin, dans les relations hétérosexuelles, les robots. C'est en tout cas ce que croit Cathy O'Neill, chercheuse à l'Université de Harvard. Les robots sexuels qui donneront naissance à la digisexualité, soit à l'intégration de l'ère numérique dans les relations sexuelles, ne sont néanmoins qu'à leur début et coûtent très cher, mais certains s'imaginent déjà avoir des relations sexuelles avec eux. Cathy O'Neill ne pense pas que tout est perdu pour les hommes, mais elle estime qu'ils vont devoir changer leur manière de concevoir les relations sexuelles avec une femme, car si les femmes continueront de vouloir la compagnie intellectuelle qu'un homme ou une femme peut leur apporter, les robots en sont encore loin. Du côté des galipettes, c'est une autre histoire, nous dit Cubic.com. Les robots sexuels seront logiquement programmés pour réellement comprendre l'anatomie féminine, oui, déclare-t-elle dans les colonnes du Daily Star, et logiquement mettre l'accent sur le plaisir féminin, un point sur lequel certains hommes font encore aujourd'hui l'impasse lors des relations sexuelles. Qu'une femme choisisse donc un robot sexuel ne serait pas étonnant, surtout qu'à terme, il devrait être en mesure de réaliser des tâches bien plus complexes. Si l'obsolescence de l'humain au lit est désormais programmée, des décennies devraient passer avant que ça arrive. Les robots sexuels doivent avant tout baisser de prix parce qu'ils sont vendus vraiment très très cher, plusieurs dizaines de milliers de dollars. Il faudra ainsi aussi que les humains acceptent de partager ces moments intimes avec eux. Selon un sondage mené au Royaume-Uni, en Allemagne et aux États-Unis, si 47% des hommes estiment qu'ils pourraient avoir une relation sexuelle avec un robot, seulement 19% des femmes se sentent prêtes à franchir le pas. La révolution commencerait probablement en Allemagne. Un autre sondage réalisé exclusivement en Allemagne, comme le rapporte le Daily Mail, dévoile que 20% des Allemands réfléchissent à l'achat d'un robot sexuel et plus de 50% des sondés n'auraient aucun problème à savoir que leur partenaire a un robot sexuel. Un Allemand sur 20 pense qu'il pourrait même en tomber amoureux. Malheureusement, ce sondage ne dévoile pas les données précises pour chacun des sexes ou des gens, ce qui laisse des interrogations sur la rapidité à laquelle les humains seront remplacés par des robots. Justement, les robots sexuels, vous avez peut-être entendu parler de cette nouvelle, peuvent être piratés et pourraient peut-être vous tuer. Donc, l'expert en cybersécurité, le docteur Nick Patterson de l'université Deakin en Australie, s'inquiète du risque de piratage de ces machines. Celles-ci pourraient alors nous tuer. Je cite... Des hackers pourraient infiltrer le robot ou tout appareil robotisé et prendre le contrôle de ses connexions, de ses bras, de ses jambes et de tout autre outil attaché, comme un couteau ou un fer à souder. Souvent, ces robots pèsent plus de 90 kg et sont très forts. Une fois que le robot est piraté, le hacker a un contrôle total et peut donner ses propres instructions au robot. La dernière chose dont vous auriez envie, c'est qu'un hacker ait la main sur l'un de ces robots. Une fois piraté, il pourrait être utilisé pour réaliser des actions physiques ou pour causer des dégâts. Cet avertissement ne concerne évidemment pas que les robots sexuels, mais si votre robot sexuel avait entre ses mains un couteau ou un fer à souder. Je sais bien pas pourquoi il y aurait ça, mais bon, ça pourrait peut-être vous causer la mort. Justement, parlant de mort, mauvais lien, mais quand même, le Canada qui veut voir si l'intelligence artificielle peut aider à prévenir le suicide. C'est une statistique assez malheureuse, mais le suicide est l'une des causes de mortalité parmi les plus courantes. C'est la deuxième cause la plus fréquente au Canada chez les jeunes de 10 à 19 ans. Un chiffre alarmant, bien sûr, qui intime le pays à prendre un maximum de mesures préventives pour s'attaquer au problème. Malgré ses bonnes intentions, le taux de suicide continue d'augmenter chaque année. Pour résoudre une bonne fois pour toutes, ou au moins endiguer le problème, le Canada songe à utiliser l'intelligence artificielle. Les efforts préventifs du Canada, oui, comprennent de nombreux plans, un financement accru pour la recherche sur le suicide, des programmes éducatifs, des statistiques régulières et bien sûr un suivi des sujets sensibles. Ces efforts contribuent grandement à sauver des vies. Hélas, ce n'est pas encore suffisant, mais il reste un allié de poids à mettre dans la balance, l'intelligence artificielle. Des responsables canadiens travaillent donc avec Advanced Symbolics, situé à Ottawa, afin de créer un programme en mesure de prévoir des pics de comportements suicidaires. Ce qui pourrait facilement faire tiquer, c'est que le programme est un tantinet envahissant puisqu'il s'appuie sur le pouvoir des médias sociaux. Je cite, nous ne violons pas la vie privée de quiconque. Ce sont tous des messages publics, a expliqué Kelly White, scientifique en chef, ajoutant qu'ils peuvent créer des échantillons représentatifs des populations à partir des médias sociaux. Un programme pilote de 3 mois sera lancé au cours duquel pas moins de 160 000 comptes seront analysés dans le but d'anticiper les hausses de comportements suicidaires. On dit que certaines périodes de l'année sont plus propices à ça, comme pour les individus qui se sentent délaissés pendant les fêtes, par exemple. Si l'intelligence artificielle repère une telle tendance, les programmes de santé du gouvernement se mettront en action. Les équipes devraient finaliser le contrat de ce pilote dès le mois, je crois que c'est de décembre. Il reste donc à noter que l'intelligence artificielle s'attarde sur des tendances et non des cas individuels. Pour m'assurer de la date de l'article, non, c'est bien janvier, donc c'est ce mois-ci qu'on va commencer ça. Pas pire, hein? Projet pilote. Et pour terminer, un fournisseur d'accès à Internet qui promet le purgatoire numérique en cas de téléchargement illégal. Le fournisseur d'accès à Internet américain Armstrong Zoom Internet vient d'envoyer à tous ses abonnés une lettre rappelant, dans des termes très fermes, les sanctions prévues à l'encontre des internautes qui se feraient prendre à télécharger des fichiers illégaux. Le fournisseur donc durcit le ton et se dit prêt à fermer le robinet à mégaoctets pour les entêter du torrent. Une mesure radicale qui pourrait avoir des effets très concrets chez les internautes qui en ont fait donc le choix d'un domicile connecté. C'est ce qui s'appelle changer d'approche dans la lutte contre le téléchargement illégal, dit Klubik. Alors que les États-Unis ont abandonné l'an dernier le principe de la riposte graduée qu'ils avaient emprunté aux Français, le fournisseur d'accès à Armstrong Zoom Internet invente un nouveau concept, celui de la riposte sans graduation. Dans un courrier que s'est procuré Torrent Freak, le fournisseur d'accès à Internet qui commercialise ses services dans le nord-est des États-Unis, explique à ses clients la nouvelle règle qu'on pourrait résumer en 5 mots. Tu pirates, je te sac. Je cite, conformément au règlement et à la loi fédérale relative à la violation des droits d'auteur, Armstrong vous informe que toute activité de téléchargement illégal liée à votre service nous contraindra de réduire votre accès au niveau minimal. Donc, c'est le message qui est censé vous inciter à désinstaller votre client BitTorrent préféré. Et histoire de dissuader les plus récalcitrants, Armstrong Zoom Internet détaille les conséquences fâcheuses lorsque votre accès est réduit au niveau minimal. Je cite, ça pourrait affecter vos services connectés à Internet comme le contrôle du thermostat de votre domicile ou votre solution de vidéosurveillance en streaming. Un débit réduit à un mince filet de kilooctets risque en effet de rendre impossible ces services de domotique dont l'architecture repose de plus en plus sur le web. Voilà qui donne à réfléchir sur le pouvoir croissant des fournisseurs d'accès à Internet américains sur leurs usagers. À l'heure où la puissance publique américaine se désengage de plus en plus de la lutte contre le piratage, celui-ci tend à reculer mais reste massif. On dit qu'en 2016, près d'un milliard de films et séries ont été illégalement échangés sur les réseaux peer-to-peer en Amérique du Nord. Et la méthode de Armstrong Zoom Internet risque par ailleurs de faire des émules chez les fournisseurs d'accès américains, désormais débarrassés des obligations de la neutralité du net qui protégeait le consommateur de ce type de représailles numériques. Voilà pour le segment Geek CNX et c'est là-dessus qu'on termine l'émission pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci énormément en fait pour notre première émission de 2018. Quelle célébration, hein? On se retrouve la semaine prochaine en direct les mercredis de 15h à 17h. On rappelle les jeudis à 13h. Je l'aime aussi Assemblage Requis en compagnie de Tania Baudin du lundi au vendredi de 7h à 10h. Consultez la programmation complète sur cif.ca, oui. Retrouvez les notes de l'émission, les balados de diffusion sur assemblagerequis.com. Restez là pour Audiomatique pour les gens qui nous écoutent le mercredi. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show et Mathieu Plante, Mathieu Plante, vous avez été planté. Et on se quitte avec un hommage en black metal au tableau. Non, je m'excuse, on va garder ça pour la semaine prochaine. J'avais promis tantôt une pièce de Mario 64. Je suis quand même pas du genre à aller à l'encontre de ma parole. Voici Laft the Boy et Dire Dire Ducks. À la semaine prochaine. Thank you.